Chapitre 6. Un plan machiavélique. Le lendemain matin, quand la belle se réveille, elle s'aperçoit tout de suite qu'elle est dans son ancienne chambre. Elle se lève, puis descend dans le salon. Son père la voit et se met à crier. « La belle, c'est vraiment toi ? Quel bonheur ! Ma fille est vivante ! Ma fille est revenue !» La belle s'approche et le serre dans ses bras. « Habille-toi vite et viens me raconter ce qui s'est passé depuis ton départ !» lui dit son père. Elle va dans sa chambre pour s'habiller et découvre un coffre rempli de robes merveilleuses. « Je suis sûre que c'est la bête qui envoyait ses vêtements. Je reconnais sa générosité !» dit-elle à son père. « Comme elle est gentille ! Elle m'offre toujours des cadeaux !» Elle prend la robe la moins élégante car elle veut offrir les autres à ses sœurs. « Je vais donner les plus jolies robes à Rosemonde et Hortense, » dit-elle. Mais le coffre disparaît dès qu'elle prononce ces mots. « La bête te regarde, » dit le père. « Elle n'a pas envoyé ses robes pour tes sœurs. Elle veut que tu les gardes pour toi. » Le père a raison, car le coffre réapparaît à ce moment-là. Pendant que la belle s'habille, Rosemonde et Hortense, informées de la venue de leurs sœurs, arrivent dans la maison. Elles expliquent à la belle qu'elles sont très malheureuses. La première dit « J'ai épousé un homme très beau, mais il passe ses journées à se regarder dans le miroir et il ne s'occupe pas de moi. » La deuxième continue « Mon mari est très intelligent, mais il utilise son intelligence seulement pour énerver les gens. » Les deux sœurs racontent tout leur malheur et la belle essaie de les consoler. Hortense lui demande « Mais toi, comment as-tu résisté au monstre ?»« Non, la bête n'est pas un monstre !» s'exclame la belle. « C'est une personne douce, aimable et très généreuse. Je vis dans son merveilleux château comme une reine, sans travailler. Tous les soirs, la bête vient me voir pendant le dîner et nous discutons. Il ne veut pas me faire de mal. » À ces mots, les deux sœurs deviennent très jalouses et elles sortent dans le jardin. « Tu as vu la magnifique robe qu'elle porte ? Et comme la belle est splendide ! On dirait une princesse ! Comment est-ce possible ? » dit Rosemonde. « Pourquoi a-t-elle plus de chance que nous ? Nous méritons d'être heureuses, nous aussi !»« Rosemonde, » dit la plus âgée, « j'ai une idée géniale. Elle a promis à la bête de revenir avant 8 jours. Si elle reste plus longtemps, ce monstre va se mettre en colère et la manger !» « Tu as raison, Hortense !» répond l'autre avec méchanceté. « Trouvons un moyen pour la faire rester plus longtemps. Disons-lui que nous avons besoin d'elle !» Pendant 8 jours, les deux sœurs aînées sont donc très douces et très affectueuses. La belle ne devine pas leur terrible projet. Elle est tellement heureuse de voir que ses sœurs l'acceptent enfin. Le 8e jour, la belle doit repartir. Mais ses deux sœurs font semblant d'être malheureuses. Elle pleure et la supplie de rester. Oh, reste, non, reste, tu peux pas partir, s'il te plaît. Finalement, la belle leur promet de rester 8 jours de plus.